Merci Berthe Silva. Adieu Paris. Adieu Paris, je me retire à la campagne. L'ennui me gagne à cette champagne. J'en ai soupé d'aller souper avec des poules et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle. Adieu Paris, car j'en ai par-dessus la tête. Faire la fête, oh que ça m'embête. Je vais me mettre au vert, vivre comme les bêtes, me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau. Oui, mais avant que je te quitte et de vivre en ermite, tout là-bas, loin de toi, aux villes des merveilles, encore une fois, vidons une bouteille, une pluie de pluie trois. Oh, la drôle de chose, dès qu'un bouchon explose, tout est beau, tout est rose, profitons-en, garçon, apportez-moi la carte, il faut, et aïdon, faire avant que je parte un grand gueuleton. Adieu Paris, ville de rêve et d'épouvante, ville méchante, ville charmante, tu fais payer bien cher le bonheur que tu donnes, mais en mourant, on t'aime tant qu'on te pardonne. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, des jolies femmes, des villas de rames, toute l'éternité nous te donnons aux hommes, leur paradis, c'est le ciel de Paris. Adieu Paris, adieu Montmartre et Notre-Dame, des villas de rames, toute l'éternité nous te donnons nos âmes, leur paradis c'est le ciel de Paris. Voici Andrex avec Dédé de Montmartre. Il y a des gens qui font des chansons sur le milieu, à quelle rigolade. Ils ne savent pas comment nous vivons et balancent sur nous de salade. J'en ai fait une à ma façon, et je le dis sans fanfaronnade. Ça ne casse rien, et l'air est très bien, et vous chanterez tous au refrain. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on l'a fait deux à deux, et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse tabou qui nous grise toujours. Dans tous les musées, on la tourne sans frais. C'est la vraie, mais la vraie, vraie de vraie. Entre nous, on est bons bourgeois. Notre rêve, c'est de pouvoir sur terre en planquer un peu chaque mois pour se tirer vivement des affaires. Dans un bled, avoir son chez-soi, vivre enfin comme des millionnaires. Entre poteaux, boire son apéro, et soir chanter au bord de l'eau. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon, vous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on l'a fait deux à deux, et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour qui

mon cœur pourtant voudrait réparer une injustice profonde. Gare de Lyon, c'est la fenêtre de Paris donnant sur le midi qui sourit. Gare de Lyon, c'est le mouchoir soyeux que l'on porte à ses yeux pour l'adieu. C'est le train fermant ses portières, l'air libre ouvrant la barrière. Gare de Lyon, c'est le bonheur promis dans un coin tout fleuri loin de Paris. Ma gare a la tête enfumée, mais il y a du rêve en son cœur. Elle est plus ou moins animée, tout ça dépend des voyageurs. Elle en a vu de toutes les couleurs, en troisième ou première classe. Mais d'où qu'ils viennent, faucher grand seigneur, elle accueille celui qui passe. Gare de Lyon, c'est la porte de Paris qu'en venant du midi on franchit. Gare de Lyon, c'est la soif éperdue de braver l'inconnu, l'imprévu. C'est le cœur chargé d'espérance qui cherche son heure de chance. Gare de Lyon, c'est celui qui réussit et dit je te remercie, cher Paris. Gare de Lyon. C'est le cœur chargé d'espérance qui cherche son heure de chance. Gare de Lyon, c'est celui qui réussit et dit je te remercie, cher Paris. Voici Miss Tinguette avec son titre La Tour Eiffel est toujours là. Changer de physionomie, des rues sont calmes et des taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du bois, les femmes avec leurs souliers de bois, quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. Et ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Il y a des pigeons sur l'opéra. Il y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le pont neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Il y a l'espoir, mesdames, la tour Eiffel. Dans le métro du soir, c'est la foule, pas moyen de s'asseoir. Et l'on fait du pied sans le vouloir aux demoiselles. Les femmes en vélo font des petits chapeaux rococo. Elles peignent leurs jambes, c'est rigolo, à l'aquarelle. Essayez leurs lèvres et vous verrez que Paris n'a pas du tout changé. Messieurs, si vous ne me croyez pas, venez faire un petit tour avec moi. Thank you. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et puis voici Christian Borel avec Paris, je t'aime d'amour. Et bien voici donc Francis Ninel avec la valse parisienne. C'est la valse parisienne, tourne, tourne à deux. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. Ce n'est jamais qu'un petit air du printemps sur un rythme à trois temps. Pourtant ces trois temps qui n'ont l'air de rien sont pas des temps pour rien. Toutes les petites parisiennes valsent 100%. Pas besoin qu'on leur apprenne, elles ont ça dans le sang. Pour les voir tourner, virer dans les balles, la ville est à Saint-Ouen. Ce qui prouve qu'on peut songer à tourner mal, tout en tournant très bien. Les midinettes, tous les samedis, sur leurs gambettes, tournent ainsi. Oui, mais leurs têtes tournent aussi. Et la tête, vous le savez, n'est pas loin du bonnet. Tant pis, c'était forcé, fallait pas la valse. Et la valse parisienne tourne, tourne à l'eau. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. Si ton petit cœur est craintif et peureux, moi je suis courageux. Si ton petit cœur est fragile et frileux, moi j'ai pas froid aux yeux. Cette valse parisienne nous prend par la main. Elle nous traîne et nous entraîne, suivons le chemin. Pour la danse et fillette, n'hésitez pas, allez-y sans façon. N'oubliez pas que cette valse n'est pas une valse hésitation. Jadis ma mère et mon papa, que tous deux sautèrent ce joli pas. Pourquoi vous taire, si résultat, je suis l'exemple émouvant, souvenir bien vivant d'un soir du temps passé. fou ma mère a valsé. La valse parisienne tourne, tourne à l'heure. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. C'est pas nouveau, c'est banal, j'en conviens, puis ça n'engage à rien. Il est vrai que ce qui ne vous engage à rien peut vous mener assez loin. Mexicaine ou brésilienne, passant par Paris, à la valse parisienne, donne le premier prix. Elle s'écrit, c'est tout comme dans la samba, on avance à petits pas. C'est tout comme seulement voilà y a un mais, là on ne recule jamais. La musique nous entraîne, il faut nous forcer. C'est la valse parisienne, viens donc la valser. Elle s'appelle le Suzy de l'air, la Seine. La Seine est aventureuse, de Châtillon à Méry, et son humeur voyageuse flâne à travers. L'amoureux qu'elle a choisi, elle roule, et dès qu'elle entre dans Paris, elle s'enroule autour de ses quais fleuris. Elle chante le jour et la nuit. Une amante, son amant, c'est Paris. Elle traîne d'île en île, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras dociles au sourire du roi Henri. Indifférente aux édiles de la mairie de Paris, elle court des amants des Tuileries. Elle recoule du pont neuf jusqu'à Passy. Elle est saoule au souvenir de Bercy. Elle chante le jour et la nuit. C'est qu'elle est grise à Paris. Mais la Seine est paresseuse, en passant près de Neuilly. Ah, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami dans une étreinte amoureuse. Elle en Vous

vieux Paris, de l'amour brême, c'est le paradis. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Solidor avec son titre Faubourg Saint-Honoré. Faubourg Saint-Honoré, quartier très honoré, boutique où le chic de Paris sourit avec esprit. Quartier des élégances, bon goût qui sent la France, belle dame qu'on voudrait adorer, Faubourg Saint-Honoré. Douce mousseline, fraîche percaline, large capeline, linons et nylons, Janine ou Mireille, modestes abeilles, en font les merveilles, elles ont la façon. Mouchoir de dentelle, simple bagatelle, au point de Bruxelles, Bruges ou Alençon, chemise si fine que l'on imagine devant la vitrine les mois des garçons. Au Faubourg Saint-Honoré, messieurs très décorés, madame blottie dans son bison qui tombe jusqu'au talon. Une midinette, monsieur rêve de guinguette, madame l'esprit moins égaré ne songe qu'à se parer. Quelles vendeuses aimables, perles admirables, sont-elles véritables? Point de discussion, versez votre compte, erreur n'est pas compte, ici seul compte la présentation, soit l'Alexandrie, velours d'Italie, parfum d'Arabie, fruits des Canaries, fourrure canadienne, plume brésilienne, écharpe syrienne, tout ça c'est Paris. Faubourg Saint-Honoré, quartier très honoré, boutique où le chic de Paris sourit avec esprit, miroir chéri des femmes. Et qui leur trouble l'âme, par elle ta gloire est assurée, Faubourg Saint-Honoré, Faubourg Saint-Honoré. J'espère que tout va bien avec les chansons de Paris et puis aux alentours aussi de Paris. Et bien on continue avec, elle s'appelle Lise Christiane et puis son titre Une chambrette impiale. On ne cherchait pas au sixième, le sixième il n'y en avait pas. On demeurait qu'au deuxième, mais au deuxième sous les toits. On n'avait pas un sou, mais on s'aimait beaucoup. C'est pourquoi entre nous, on se foutait de tout. vieille chambrette à Pigalle, sans décor superflu. Une chambrette à Pigalle, nous n'en mendions pas plus. Ce bel amour dans tes yeux mettait des fleurettes, car cet amour pour nous devait durer toujours. Notre chambrette à Pigalle nous semblait un palais. Elle était bien banale, me vois-tu, l'on s'aimait. Amour, 20 ans, c'est épatant. Tu as trouvé la richesse, moi j'ai rencontré l'argent. Hélas, vois-tu, la jeunesse, ça ne peut pas durer longtemps. C'est la vie, je le sais bien, et nous n'y pouvons rien, car après s'être aimé, faut se quitter. Une chambrette à Pigalle, comme c'est loin ce temps-là. Une chambrette à Pigalle, cela s'oublie déjà. Amour toujours. Ces mots-là sont bêtes, pourtant toujours on trouvait ce mot-là trop court. Une histoire même banale avait tant de joli. Mais la chambre à Pigalle est mini, c'est fini. Passé, perdu, non. Il s'appelle Francis Lemarque avec Balade de Paris. Tant de poètes ont écrit des couplets, des refrains sur Paris, que je ne sais plus quoi chanter pour vanter ta beauté, mon Paris. Est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tellement ému en passant dans une rue de Paris? J'ai trouvé sur les quais en flânant un vieux livre jauni par le temps. J'y ai lu les souffrances et les joies que tu as connues tout à la fois. Depuis le temps que tu vis, toutes tes rues ont écrit leur roman. Roman d'amour qui se noue, se dénoue et qui meurt doucement. On s'est battu sous tes murs, chacun de tes pavés a servi à défendre la liberté qui s'était réfugiée dans Paris. C'est la peine de tous les hommes qui t'a fait comme tu es, mon Paris. Ils ont bâti Notre-Dame, la Concorde, les Tuileries, tout Paris. Ils ont pris la Bastille en chantant, construit la Tour Eiffel en flânant. Les années ont passé doucement, mais Paris a gardé ses 20 ans. La Seine a creusé son lit entre les quais tout gris de Paris. Il faut croire qu'elle s'y trouve bien puisqu'elle est encore là aujourd'hui. Est-ce ceci ou cela, autre chose ou bien quoi? Je ne sais pas. Pourquoi je suis tellement ému en passant dans une rue de Paris. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Il s'appelle Maurice Chevalier, son titre Sur l'avenir fauche. Quand je me promène sur l'avenue fauche, nez au vent et les mains dans les poches, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me sens bien. C'est mon petit coin et chaque matin, tout au long de l'avenue du Bois, je retrouve avec la même joie le balayeur, le sergent de ville et le cavalier qui me disent « Bonjour, monsieur Alfred ». Tout cela n'est qu'une question de peine. J'aurais pu tomber sur un autre quartier, je m'en serais bien contenté sans peine, car j'ai pas oublié où je suis né. J'ai un petit trois pièces au quatrième, mais y a pas d'ascenseur pour y monter. Devant moi, c'est certain, j'ai un fameux jardin, j'en suis pas proprio, mais chaque matin, yam parapapapa, quand je me promène sur l'avenue Foch, nez au vent et les mains dans les poches, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je me sens bien, je suis chez moi. C'est mon petit coin et chaque matin, tout au long de l'avenue du Bois, je retrouve avec la même joie tous les sportifs, boxeurs ou bien coureurs à pied qui me disent « Alors, monsieur Maurice, venez vous entraîner un petit peu, venez, ça fera du bien, allez !» Quand je me promène sur l'avenue Foch, nez au vent et les mains dans les poches, je vois défiler Parisiens ou étrangers, chanterais Ruffin ou petit couple d'employés qui s'en vont main dans la main vers le Bois chercher un joli coin. Et tout ému mais ravi, je remonte chez moi sur mon balcon et chaque fois, c'est moi qui suis public et j'applaudis Paris. Dessous mon toit, l'avenue du Bois. Et puis donc, je viens du côté des parcs avec Simone Langlois et son titre « Près du parc Montsouris ». Dans les ombres claires, les gerbes de pierre reliant les quais, pour qui se promène semble sur la Seine autant de bouquets. Quelques badauds tristes regardent l'artiste au talent trop neuf qui peint en orange une chose étrange qu'il croit le pont neuf. Mais près du Pâquemont sourit quand l'orgue de Barbarie joue de vieux airs de Paris au bas de ma rue. On sent monter en son cœur comme une étrange douceur et la chaleur ingénue d'un peu de bonheur. C'est si peu banal, ces refrains d'un jour, qu'on oublie son mal dans leurs mots d'amour. Quand sous le ciel rose ou gris, un orgue de Barbarie joue de vieux airs de Paris, au Pâquemont sourit. Paris, ça étonne les gens de Lisbonne, de Londres ou d'ailleurs, qui voient en rafale le Louvre, l'Étoile ou le Sacré-Cœur. Qu'ils aillent moins vite, et je les invite, ces pauvres terriens, à mener la ronde au seul coin du monde où l'on soit si bien. C'est près du Pâquemont sourit quand l'orgue de Barbarie joue de vieux airs de Paris au bord de ma rue. On sent monter en son cœur comme une étrange douceur et la chaleur ingénue d'un peu de bonheur. C'est si peu banal, ces refrains d'un jour, qu'on oublie son mal dans leurs mots d'amour. Quand sous le ciel rose ou gris, un orgue de Barbarie joue de vieux airs de Paris au parc Montsouris. Jacqueline, on verra ça, oui, ça. Et elle s'appelle Joséphine Baker avec son titre Paris, mes amours. Sans les plus beaux écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Jean Sablon avec Ciel de Paris. Ciel de Paris, au ciel le plus léger du monde. Ciel de Paris, avec une émotion profonde. Un beau matin, on te respire enfin. Ciel de Paris, après la rage, après l'orage, ciel de Paris, j'ai retrouvé ton cher visage. Ciel du bon Dieu, avec tes yeux gris bleu. Trocadéro, Quartier Latin et Champs-Élysées le matin. La place du Terre et le quai d'Anjou, et les canards au bois qui font joujou. Ciel de Paris, on n'a pas besoin d'avoir honte. Ciel de Paris, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. En te voyant, en te voyant, simplement. Place Vendôme, le quai d'Orsay, la rue de la paix, la rue de la paix, les petits trottins et le bon crottin des chevaux de fiacre, à l'œil tendre et coquin. Ciel de Paris, la vie au fond n'est pas méchante, d'avoir permis pour toi seul encore je chante. En te voyant, en te voyant, tout simplement. S'appelle Suzanne Robert avec son titre Moi je pense à Paris. Moi je pense à Paris, aux berges de la Seine, à mon île Saint-Louis, au refrain de Verlaine. Je pense au Sacré-Cœur, au vieux marché aux fleurs, au moulin de la chanson, cher ami mi-pinson. Je pense aux amoureux, qu'ils soient au bois de Vincennes, se font de doux aveux, éternelle rengaine. Si parfois, mes amis, mon cœur a de la peine, c'est qu'il pense à Paris, au vieux Paris sur Seine, Au cours de mes nombreux voyages, j'ai vu des pays merveilleux. Mais de tous ces beaux paysages, c'est Paris que j'aime le mieux. Paris, berceau de ma jeunesse, m'a donné mes plus grandes joies. Et vers lui je reviens sans cesse, c'est l'ami que l'on n'oublie pas. Moi, je pense à Paris, aux berges de la Seine, à mon île Saint-Louis, au refrain de Verlaine. Je pense au Sacré-Cœur, au vieux marché aux fleurs, au moulin de la chanson. Cher ami, mi pinson, je pense aux amoureux, qu'ils soient au bois de Vincennes, se font de doux aveux, éternelle rengaine. Si parfois, mes amis, mon cœur a de la peine, c'est qu'il pense à Paris, au vieux Paris sur Seine. Pourquoi le ciel en plein hiver, comme au printemps, prend l'air de fête? Pourquoi dans un charmant concert, les oiseaux chantent à tue-tête? D'où vient ce grand charivari? Cette émotion qui se précise, c'est tout simplement que Paris devient majeur, qu'on se le dise. Petit à petit, il a grandi de telle façon qu'aujourd'hui, Paris a ses 2000 ans. Le joyeux anniversaire, c'est beau, après tant de temps, d'être encore le vrai bouquet de la terre. À la tienne, Paris, tous le verre en main, trinquons mes amis, à ces glorieux lendemains. Paris à ses 2000 ans, et repart vers 3000 en chantant. Paris à ses 2000 ans, comme gâteau d'anniversaire. Quel lustre assez rutilant pourrait égaler la ville lumière. À la tienne, Paris, pour tes Parisiens, 2000 bougies, ah, ça se souffle en moins de rien. Paris à ses 2000 ans, et repart vers 5000 en chantant. Mais oui, Paris à ses 2000 ans, mais continue ses conquêtes. Il a de l'œil, de la dent, de grandes amours et des amourettes. À la tienne, Paris, voilà que l'on vend, c'est moi qui te le dis, t'es plus jeune qu'auparavant. Paris à ses 2000 ans, et bondit vers 100 000 en chantant. Voici le square de Paris avec Georges, une mère. À Paris, y a trop de bruit, trop de bruit, trop de cris. Les signaux nous aveuglent et les radios qui beuglent nous usent la peau. Trop d'affaires enchevêtrées, mais vous pouvez vous évader. Car il y a des squares au milieu de Paris, avec des vieux bizarres qui racontent leur vie. Il y a des marchands de ballons, de bonbons, sur les bancs des amants, fredonnant des chansons. Un rayon de soleil fait soudain briller une bouche vermeille qui demande un baiser. C'est d'un moment volé, au rythme ensorcelé, un coin d'azur un instant dévoilé. Ce moment perdu au milieu de Paris, c'est d'un fruit défendu que nous tend la rêverie. Ma chimère au bras, nous le goûtons sans peur, car il nous donnera le secret du bonheur. Puis tous les enfants, si heureux de jouer, les sourires des mamans pour leur beau nouveau-né. C'est d'un petit doigt six dans le cœur de Paris, c'est d'un endroit où l'on trouve l'oubli. Vous espoir qu'on trouve au milieu de Paris, où loin du tintamarre on oublie ses ennuis. Puis tous les journaux, plein de crimes d'amour, que l'on met comme chapeau dans la tiédeur du jour. Tous ces squares qu'on trouve au milieu de Paris, ce sont comme des phares dans l'océan de la vie. Cité du merveilleux univers radieux, un paradis au milieu de Paris. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. La scène, le titre s'appelle comme celui-là et c'est interprété par Lucienne Delisle. J'ai rencontré dans mes voyages des paysages sensationnels. J'ai regardé couler l'otage, j'ai vu Carthage sous le soleil. Il y avait trop de lumière, et je pourrais faire, oui mes amis, la douce fraîcheur de clairière de notre île Saint-Louis. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands, le calme du vieux bouquiniste dressant une liste d'un vendu charmant. Par là dans le soir se promène l'ombre de Verlaine poussée par le chant des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Comme un ruban qui se déroule, le fleuve coule et puis s'en va. Le regard danse, les tranquilles, boudant la ville, je reste là, improvisant mon cœur bohème, chante un poème reconnaissant. Le vieux clochard tirant sa flemme, lui, bien sûr, me comprend. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme des vieux bouquinistes dressant une liste d'un vendu charmant. Alors là, dans le soir, se promène l'ombre de Verlaine poussée par le chant. Des violons qui la pénètrent et qui font connaître l'automne aux passants. Et puis voici, elle s'appelle Léo Marjan avec la tour de Monsieur Eiffel. En 1880, au temps des crinolines, les dames avaient le temps d'être tendres et câlines. Et les messieurs, pour leur plaire, ne savaient vraiment que faire. Alors Monsieur Eiffel, un beau jour pour sa belle, a voulu faire une tour. Ça, vous voyez, mademoiselle, c'est le plan de ma tour Eiffel. Elle aura 300 mètres, où comptez-vous la mettre, du côté du pont de Javel. À Montmartre, bien à Grenelle, la petite a dit, merci beaucoup, vous êtes gentil, mettez-la n'importe où. À Montmartre, au pont de Saint-Cloud, au Saint-Martin, à Montparnasse. Mais je vous préviens, il y aura plus moyen, après ça, de la bouger de là. Pendant longtemps, Monsieur Eiffel passa des nuits blanches, blanches. Il avait, comme on dit, beaucoup de pain sur la planche, blanche. Quand sa tour fut terminée, il dit à sa dulcinée, je suis content, venez, venez, venez, levez votre petit nez. Ça, vous voyez, mademoiselle, ça s'appelle la tour Eiffel. Elle est un peu pointue, mais on s'y habitue. Voulez-vous que je vous emmène faire le tour du propriétaire? La petite a dit, merci beaucoup. Elle est vraiment un peu haute pour mon goût. Tout se fera dû coûter cher, ça n'est pas une bonne affaire. Bien trop cher, et la prochaine fois, croyez-moi, faites-la donc en bois. Et puis a dit la demoiselle, à quoi sert votre tour Eiffel? Venez donc au troisième, vous le verrez vous-même. Et depuis, toutes les demoiselles sont montées sur la tour Eiffel. Combien d'entre elles dans l'ascenseur, dans l'ascenseur ont trouvé l'âme sœur? L'une de miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont les ailes. En haut de la tour a chanté, vive Monsieur Eiffel. La la la la la la la la la la. Lune de miel dans le septième ciel, là-haut les cœurs ont des ailes. Et l'amour tout en haut de la tour a chanté, vive Monsieur Eiffel. voici donc qui s'appelle André Claveau avec la chanson de Paris. La chanson de Paris qui sent bon le printemps, la chanson de Titi qu'on siffle en marchant, la chanson d'amour qui fait son petit tour dans les cœurs aux alentours, la chanson de la joie qui s'en va dans le ciel par-dessus les toits vers la tour Eiffel, ou bien qui descend flâner simplement dans les rues avec les gens. Elle est née, voyez-vous, dans le faubourg Saint-Martin. Un beau jour, un petit gars la retrouve à Pékin. C'est une dame qui partout se fait des relations, un produit d'exportation. La chanson de Paris, la chanson des jours, la chanson de la vie, la chanson d'amour, la chanson qui fait vibrer les faubourgs, la chanson tout court. Regardez-la qui fait la fête aux jeunes porteurs à bicyclette rue de Rivoli, l'ami d'Inette qui l'attrape au vol mi-fa-sol, au music-hall, la grande vedette la fait claquer comme une trompette, la petite ouvreuse douce et simplette l'emporte en son cœur comme une fleur. La chanson de Paris qui sent bon le printemps, la chanson de Titi qu'on siffle en marchant, la chanson d'amour qui fait son petit tour dans les cœurs aux alentours, le succès du jour, la chanson d'espoir qui attend son tour au fond d'un tiroir et puis qui s'envole grisée comme une folle et rejoint la farandole. Crâneuse ou bon enfant, barcarolle ou pamphlet, chacune a son destin. La loterie du couplet se tire un peu partout, car le bon numéro, c'est la voix du populo qui chante et sourit tout au fil des jours. Sa chanson de Paris, sa chanson d'amour, la chanson qui fait valser les faubourgs, la chanson d'amour. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Il s'appelle Henri Decker avec son titre « Moi, je dors près de la Seine ». Sa main noire un peu frileuse, la nuit caresse la cité. Voici des ombres fabuleuses, voici des rêves attardés. Pavés de bois, pavés de pierre, chevaux de brume et de crinière, que je vois naître sous les ponts, car chacun rêve à sa façon. Moi je dors près de la Seine, près de la Seine à Paris, sous le mât de misaine du bateau fleuri de l'île Saint-Louis. Je m'invente une histoire d'où je sors magicien. Et la Seine vient boire une de toi dans le creux de ma main. Mais voilà que la lune distribue sa fortune, le feu de Dieu, et je m'endors avec de l'or dans le fond de mes yeux. Et chaque soir la nuit m'entraîne, la Seine appelle ses amis, sort de son lit en robe à traîne, pour mieux danser avec Paris. Marchand d'oiseaux, marchand d'étoiles, on fait chanter la cathédrale, et c'est le bal des petits bouquins qui tournent en rond. Jusqu'au matin, moi je dors près de la Seine, près de la Seine à Paris, sous le mât de misaine du bateau fleuri de l'île Saint-Louis, des marchands de baignade et mon ange gardien font trois tours de balade, une de trois en bateau parisien. Mais voilà que la lune distribue sa fortune, le feu de Dieu, et je m'endors avec de l'or dans le fond de mes yeux. François avec Mademoiselle de Paris. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite et mince, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos chemins. faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, il fait beau, et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. Mais le cœur d'une enfant de Paris, c'est pareil au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, le dimanche on le perd à la fête. Adieu guinguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine. Et recommence la semaine, et recommence la chanson. Chante un air de son faubourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne un peu de ses 20 ans pour faire une collection de printemps, et seule s'en va rêver sur un banc. Mademoiselle de Paris, un petit tour, un bonjour, elle oublie qu'elle a pleuré d'amour. Elle vole à petits pas pressés, elle court vers les Champs-Élysées, donne un peu de son déjeuner au moineau des Tuileries. Elle fredonne, elle sourit. Voilà Mademoiselle de Paris. Toc toc, c'est nous, Radio Arc-en-Ciel est de retour. Regarde tout de suite ton 29 novembre. Eh oui, le 29 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant et gourmand. Une soirée animée par Adrienne Pelel, pour la première fois sur Orléans. Malin dissime vange, do bailarico português, vai ser a dançar até amanhecer. Réservez vite. Le 29 novembre à 19h30 à table. Au menu, une entrée, assiette océane, un plat chaud, cousido à portugaise, un fromage, trio de fromage sur son lit de salade. Un dessert, glacé, et puis un café ou un thé, un sharing. Boisson non purchase. Prix adhérent, 25 euros. Prix public, 30 euros. Enfants de moins de 10 ans, 10 euros. Réservation avant le 21 novembre. Attention, place limitée. À l'espace arc-en-ciel au 266, Faubourg Bannier, Arc-le-Gris-les-Aubrais. Info en semaine au 02 38 43 50 09 et le week-end au 06 79 08 42 05. Mais aussi par mail arc-en-ciel.iota@gmail.com. Et point de vente, Radio Arc-en-Ciel, les établissements Mariano ou bien le Panini. Venez nombreux, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Bien, on continue avec les chansons de Paris. Voici Bonville, la Parisienne. Elle a des chemises de satin. Porte Saint-Denis, porte Saint-Père et porte Saint-Martin. Des robes décolletées jusqu'ici, porte d'Arcueil, porte de vent, porte d'ici. Et puis, des sous originaux, porte d'Anières, porte dorée, porte maillot. Avec partout de la dentelle, porte d'Ivry, porte de Pantin, porte Jarcel. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne ne se refuse rien. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne est une femme très bien. Souvent, elle aime à faire de l'œil, porte des termes, porte de Saint-Cloud, porte d'Auteuil. Son cœur palpite sous son corsage, porte de Choisy, porte de Sèvres, porte d'Agage. Et quand elle vous a dans la peau, porte Molitor, porte Dauphine, porte drapeau. On ne peut résister à son charme, porte d'Orléans, porte d'Italie et porte armes. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne ne se refuse rien. Aïe aïe mon oncle, aïe aïe ma tante, la parisienne est une femme très bien. Pourtant, il y en a qui sont rosières, porte de Vincennes, porte Clignancourt, porte Cochère, mais qui finissent par se donner, porte des Lilas, porte de Saint-Ouen, porte Monet. Bientôt, elles arpentent le bitume, porte de Versailles, porte de Clichy et porte Plume. Et puis, elles tombent dans la débauche, porte de Montreuil, porte Parapluie et porte à gauche. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne ne se refuse rien. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne est une femme très bien. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne ne se refuse rien. Aïe aïe ma mère, aïe aïe mon père, la parisienne est une femme très bien. Et donc, elle s'appelle Colette Renard avec ça, c'est Paris, mon Paris. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Voici donc Jacques Brel avec La Bastille. Mon ami qui croit que tout doit changer, te crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. La Bastille, et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. Et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans cri, sans effroi, même sans insulter les bourgeois. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner. Hâtons-nous d'espérer. Marchons au lendemain. Tendons une main qui ne soit pas fermée. Et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille. Ne pourrait-on pas s'aimer? Voici Lynn Renaud, son titre « Sous le ciel de Paris ». Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arrêter. arranger quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Paris est jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Voici Carline, son titre s'appelle Les amoureux du métro. Les amoureux du métro chuchotent à demi-mot, debout l'un contre l'autre, et d'un petit air malicieux se regardent dans les yeux sans s'occuper des autres. Sur la banquette, la brave dame au tricot oublie ses mailles en comptant leur béco. Et parfois dans un tournant, les voilà brusquement poussés l'un contre l'autre. Vite, ils en profitent aussitôt, et les amoureux du métro, leur paradis c'est le sous-sol de Paris, c'est là qu'ils s'aiment. C'est là qu'ils s'aiment et qu'ils flânent, c'est inouï, comme des bohèmes. Front contre front, grisés par l'émotion, ils oublient parfois la station. Les amoureux du métro chuchotent à demi-mot, debout l'un contre l'autre, et d'un petit air malicieux se regardent dans les yeux sans s'occuper des autres. Le vieux monsieur qui lit l'éditorial les fixe en douce par-dessus son journal. Et leur léger gazouillis, c'est un peu de poésie quand ils rient l'un et l'autre. Car au fond, ce sont des moineaux, et les amoureux du métro. Les amoureux du métro, c'est en style Parigot, Roméo et Juliette. Un tunnel comme horizon, un wagon pour maison, et des rêves plein la tête. Contre la vitre, ils sont un peu serrés, ça n'a pas l'air pourtant de les gêner. On les bouscule, on les pousse, on les reçoit dans les secousses, d'une façon pas très douce. Mais on leur pardonne aussitôt aux amoureux du métro, car c'est gentil quand même d'entendre dire je t'aime. Les amoureux du métro, c'est Gavroche et Mimi, article de Paris. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. C'est

Paris ne serait pas Paris sans elle. Il faut dire que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin, ou alors par le vieil oncle à héritage, qui est monté à pied jusqu'au troisième étage. Ah, ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame. Quand on est là-haut, on peut voir tout Paname. Et le Parisien se dit, tiens, tiens, tiens, j'irai la voir demain. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y'a pas de Paris sans tour Eiffel. Moi je suis jamais monté là-dedans, mais j'en suis fier comme Marc avant. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris c'est la tour Eiffel. Une jeune et belle américaine, elle voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Mais voilà qu'un soir elle rencontra l'amour. Et maintenant quand on lui demanda son tour, quel est votre avis sur Paris, franchement, elle dit en rougissant. Le tour de Nel, le tour de Londres sont bien moins belles. On est toujours sûr avec elle de monter jusqu'au septième ciel. Paris ne serait pas Paris sans elle. Avec sa pointe, il monte au ciel. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Tour Eiffel, tour Eiffel. Mesdames, messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Que va nous emmener du côté de Montparnasse, et c'est Anne Chapelle. Essayer les Champs-Élysées, Notre-Dame, la rue de Rivoli, me disait dans Clichy, la Paname. Oui, mais je suis né auprès des fauchés qui se prélassent. Ma rue de la Gaîté, cafés à terrasse, Montparnasse, où je passe la plupart de mes jours, sous l'horloge près du dôme, où m'attendait l'amour. Montparnasse, quoi qu'on fasse, on y revient toujours. Rêve du Trideau, jeunesse de Picasso et Montparnasse. Et Montparnasse, il y avait un Chinois qui comptait ses repas sur ses doigts, même un Esquimau qui faisait du tableau un rigolo. Ils sont toujours là, tous ceux d'autrefois. Quelle joie! Poète des cafés, peintre rapié, c'est liberté. Montparnasse, où je passe la plupart de mes jours, sous le relâche près du dôme, où venait mon amour. Montparnasse, le temps passe, moi j'y reviens toujours. Jeunesse du Trino, jeunesse de Picasso et Montfardo, où le monde entier chante en chœur à credo. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Cora Vauquer, les jardins de Paris. De Chaumont, j'ai passé mon enfance, et sans un rond, bien souvent mes vacances, et je louchais vers ces terres interdites où se cachaient de maigres marguerites. Les jardins de Paris sont remplis de gazon et de fleurs défendues et d'enfants qui s'ennuient à l'ombre des statues, à l'ombre des statues. Au Luxembourg, j'ai passé ma jeunesse, premier amour et première faiblesse. Un étudiant m'avait tourné la tête. Mes 17 ans, c'est vous que je regrette. Les jardins de Paris sont remplis de moineaux et surtout d'amoureux qui n'ont pas de logis et qui s'y croient chez eux et qui s'y croient chez eux. Au parc Monceau, un type dans la finance me fit cadeau d'un hôtel Renaissance. J'eus des amis, des bijoux, des fourrures, et de mon lit, je voyais la verdure. Les jardins de Paris sont pleins de vieux messieurs qui soupirent d'amour près de filles jolies qui ne mangent pas tous les jours. Oh non, pas tous les jours. Les Tuileries, c'est mon dernier domaine. J'ai bien vieilli, maintenant je me traîne. Dans ce jardin, c'est mon ombre qui erre, cherchant en vain les beaux jours de naguère. Les jardins de Paris sont toujours pleins d'enfants, de moineaux, de statues, d'amoureux sans logis, de rêves perdus à tout jamais perdus. C'est donc qui s'appelle John Williams avec son titre Paris, c'est trop grand pour moi. Paris, c'est trop grand pour moi. J'y suis perdu, trop de foule de toi, trop d'inconnus. Mon amour, écoute-moi, je suis perdu. Par-dessus les cris, les voix, répondras-tu? Cheminots et gens d'affaires, ouvriers et fonctionnaires, autour de moi. Métro, voiture de Rupin, banlieusards et citadins, tournent sans fin. La triste foule étrangère, aux voyageurs solitaires, en désarroi. Et la ville hurle ma peine, que désormais rien ne freine. C'est mon destin. Paris, c'est trop grand pour moi. J'y suis perdu. Trop de foule de toi, trop d'inconnus. Mon amour, écoute-moi, je suis perdu. Par-dessus les cris, les voix, je te réclame. Mon amour, écoute-moi, je suis perdu. Par-dessus les cris, les voix, je te réclame. Mon amour, écoute-moi, je suis perdu. Par-dessus les cris, les voix, répondras-tu? Et puis donc, voici Léo Ferré avec Flamenco de Paris. Parfois comme un clairon, toi, mon ami l'espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Chanson, toi, mon ami. famille espagnole de la rue de Madrid rencontrait l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Rue de la Gaîté avec Annie Flore. Qui n'est pas loin du boulevard du Montparnasse, dans cet endroit, oui, croyez-moi, c'est le Titi qui fait la. C'est la rue de la Gaîté, celle qu'on ne veut pas quitter. Oh, oh, oh, oh. Dans ce coin de Paris, adieu tous les soucis. Oh, oh, oh, oh, oh. Y a pas de neurasthénique, y'a que des gens sympathiques. C'est magnifique. Et tous les petits trottins s'en vont d'un air mute en chantant leur plus joyeux refrain. On y va s'amuser. C'est la rue de la Gaîté. Tout est clinquant, tout est brillant. Les nuits vous semblent magiques. Après le boulot, le populo va se distraire à Bobino. C'est la rue de la Gaîté, celle qu'on ne veut pas quitter. Ce coin de Paris, adieu tous les soucis. Oh, oh, oh, oh, oh. Dans les bistrots, c'est fête et l'on fait des conquêtes. Oh, bah, le musette, tous les braves agents, les toujours souriants, vous accueillent sans être attendrissant. On y va s'amuser, on n'entend que chanter. C'est la rue de la Gaîté. Y a que des gens sympathiques, c'est magnifique. Et tous les petits crottins s'en vont d'un air mute en chantant le plus joyeux refrain. On y va s'amuser, on n'entend que chanter. C'est la rue de la Gaîté. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Donc le titre s'appelle Paris sera toujours Paris avec Gigi Zarmen. Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, plus on voit briller son esprit. Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde. Et quand les restrictions abondent, gentiment il prend son parti. Paris sera toujours Paris. On a beau réduire son essence, on ne réduira pas sa confiance, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde. Même quand on voit le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris. Et voici donc qu'il s'appelle Henri Jeunesse avec un Saint-Germain des Prés. Madame, entrez, monsieur, laissez à la porte votre front soucieux, descendez l'escalier, faites attention à vos têtes. C'est dans une cave, à Saint-Germain-des-Prés, qu'on vous attend tous au complet. N'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour ça, monsieur, dame, nous voulons vous montrer l'ambiance des caves de Saint-Germain-des-Prés. Dans tous les coins sur la piste, les gens que vous voyez sont tous existentialistes, de la tête jusqu'aux pieds. Ils sont là pour ça, y'a qu'à les regarder. Les rois des caves de Saint-Germain-des-Prés. Ici, monsieur, dame, à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde se ressemble à peu de choses près. Jamais rasé, cheveux mal taillés, air dépenaillé, c'est vrai. Mais pour nous, c'est sacré. On est crasseux, mais on le fait exprès. Ces philosophes ont pour vivre des systèmes merveilleux. Le seul système qu'ils négligent, c'est leur système pileux. Regardez les traits, on dirait des cousins. Et même des cousins germains des Prés. Ici, monsieur, dame, à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde danse le vrai bebop. Un, deux, trois, hop, on se télescope. Ça devient un match de catch. Mais ne vous en faites pas, car dans le fond, nous sommes là pour ça. Vos pères chantés montent là-dessus. Montmartre, nous on descend, oui, on ne monte plus, non. Et l'on voit Jean-Paul Sartre, on y vient pour ça, de Chine ou d'Uruguay, et même de beaucoup plus près, de Saint-Germain en l'est. Car l'existentialisme est un aspect du progrès. Qui donc disait qu'ils sont les existentialistes à Saint-Germain. Et nous voici donc Luis Mariano qui nous amène du côté des Champs-Élysées. Champs-Élysées, parmi le charme et la beauté, que de romans vous abritez, Champs-Élysées. Champs-Élysées, combien de cœurs se sont guérisés dans votre ciel doux et léger, Champs-Élysées. Elle est venue de son faubourg, de l'humble nid de ses amours, chercher comme un oiseau perdu, livrés étranges et imprévus de l'inconnu. Un élégant au fond d'un bar, l'ayant séduit de seul regard, elle lui donna timidement avec son rêve un bouquet blanc de fleurs des champs. Champs-Élysées, le beau garçon pour s'amuser et tout ce qu'il faut pour la guériser, Champs-Élysées, et puis jeta d'un air blasé ses fleurs comme un espoir brisé, Champs-Élysées. Elle retourna dans son faubourg auprès d'un simple et tendre amour, comme un oiseau triste et meurtri qui de trop loin revient au nid chercher l'oubli. L'humble bouquet pauvre et fané meurt dans un bas abandonné, pas le témoin de son secret, tandis que son amour discret soudain renaît. Voici donc qui s'appelle le Colette de Mars avec Bal du Faubourg. Bal du Faubourg, valse d'amour, bonheur du jour. Bal populaire, valse légère, en bras de cour. Comme des gamins, les amoureux, main dans la main, s'en vont par deux. Et c'est le suprême aveu. Bal du faubourg, valse d'amour, bonheur trop court. Bal populaire, joie de la terre, heureux parcours. Baiser fiévreux où l'on se ment, méprise au jeu, on devient amant. Au bal du faubourg. Et tourbillon, tournons, tournons, coin de cette rue. L'orchestre joue, il joue à joue, les couples évoluent. Tout en valsant heureux et transporté, se donnant un baiser, puis se laissant griser, tendrement il s'enfuit. Dans la nuit, et l'on revient au petit matin, l'âme est un peu chagrine. On danse encore, le bal s'endort, la fête se termine. Il faut se quitter, le cœur est chaviré, on se tient enlacé, on veut encore valser. Arrêtez les instants et le temps. Bal du faubourg, valsez toujours, regret d'amour. Bal populaire, rêve éphémère, le cœur est lourd. Triste destin, pleure dans les yeux, car au matin finit le jeu. Et c'est le suprême adieu. Bal du faubourg, où sans discours finit l'amour. Bal populaire, les cœurs se serrent, le rêve est court. On reprend sa vie plein de rancœur, car on a laissé son bonheur au bal du faubourg. dans sa vie plein de rancœur, car on a laissé son bonheur au bal du Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Tout simplement pour une autrice qui aime bien, je sais, qui aime bien cette chanteuse. Elle s'appelle Chantal. Voici donc, eh bien, Georgette Plana avec là, le dimanche à Paris. Le dimanche à Paris, y a le bonheur qui musarde. De mansarde en mansarde, une chanson fleurie qui réveille Paris. On s'étire dans son lit, on a le cœur en goguette. En faisant sa toilette, aux fenêtres on sourit, c'est dimanche à Paris. La tour Eiffel prend un bon coup de soleil, le Luxembourg aux amants fait sa cour, Ménilmontant s'amuse comme à 20 ans, et le Sacré-Cœur à Paname donne son cœur. Lorsqu'arrive midi, on descend de sa chambrette, on bouscule la pipelette, elle rouspète, on lui dit, c'est dimanche aujourd'hui. Le dimanche à Paris, on dîne en tête à tête, entre deux coups de fourchette, affamés de folie, on se bécote à l'envi. Lorsqu'on est un peu gris, sur les quais on se promène, on voit Madame la Seine habillée d'organdi, le dimanche à Paris. La vieille cité se baigne émoustillée, les beaux bateaux l'embrassent au bord de l'eau. Sur tous les vents, les amants font le printemps, et le pêcheur, sans le vouloir, pêche un cœur. Un titi vous sourit dans ses habits de fête, vous crie à leur petite tête, on se marie aujourd'hui, c'est dimanche à Paris. Le dimanche à Paris, on danse à la Bastille, les garçons et les filles ont le cœur tout rempli de musique et de bruit. Dans le ciel infini, il y a la nuit qui s'éclipse, c'est le feu d'artifice et ses bouquets fleuris enflammant tout Paris. Les chevaux de bois s'affolent des rues de joie, les balançoires s'envolent avec espoir. Aux militaires, les trottins font la guerre pour leur voler un tout petit baiser. Le dimanche à Paris, c'est Paris qui se donne. Et quand minuit résonne, on dit déjà lundi, le dimanche à Paris. Voici en duo Patrice et Mario et leur titre Pourquoi rester à Paris. Pourquoi régal, un jour je suis arrivé. Quand j'ai vu le ciel si bleu qui me souriait, le soleil brûlant qui enfin me réchauffait, je me suis dit, pourquoi rester à Paris? Il y a ici des fleurs aux tons irréels, des oiseaux dorés aux plumes aux couleurs de miel, des soirs merveilleux aux reflets sensationnels. Alors je dis, pourquoi rester à Paris? J'avais Suzy, mon grand béguin, la blonde Lily, la beau mannequin. Quand elles m'ont dit, c'est pour la vie, c'était trop long. Je suis parti, quand au Sénégal un jour je suis arrivé. Quand j'ai vu le ciel si bleu qui me souriait, le soleil brûlant qui enfin me réchauffait, je me suis dit, pourquoi rester à Paris? Ciel toujours gris à Paris, je m'ennuie. Mais quel bruit! Quand au Sénégal un jour je suis arrivé, à ma feuille d'impôt je me suis mis à penser. Ici paraît-il on n'a fait que la moitié. Alors je dis, pourquoi rester à Paris? Les filles sont d'un joli teint plutôt caramel, avec un petit pain souvent pas très substantiel. Moi j'ai trouvé ça tout à fait sensationnel. Alors je dis, pourquoi rester à Paris? Chaussée d'antin, un petit trottin, Trocadéro, une dactylo, des rendez-vous un peu partout. J'avais mes vies, je suis parti, mais la mer à deux pas vient m'apporter soudain un peu de la brise du printemps parisien. Et je pense à toi, mon beau ciel gris si joli. Je plaisantais, je reviendrai à Paris. Je plaisantais, je reviendrai à Paris. C'est donc les ponts de Paris avec Joinville, le pont, et c'est Roger Pierre. Suis un petit gars plombier zingueur, je fais des semaines de 48 heures et j'attends que les dimanches s'amènent pour sortir ma grosse germaine. Ou bien une autre, ça revient au même. Mais moi je préfère quand même germaine. À qui qu'un jour fou que j'ai dit, si ton âge balade et dit, à Joinville le pont, pont, pont, tous deux nous irons, ron, ron. Regardez qu'un chien, chien, chien, chien, chien, chien. Au bord de l'eau, il y a des pêcheurs, et dans la marne, il y a des teigneurs. On voit des gens qui jouent aux boules, on en voit d'autres qui mangent des moules. On mange avec les doigts, c'est mieux. Il y a que les belles filles qu'on mange des yeux, car quand le soleil resplendit, chaque couple le savent. À Joinville, le pont, tous deux nous irons regarder qu'un chien, si le cœur nous en dit, on pourra aussi se mettre à guincher, Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. voici donc, elle s'appelle Annie Gould avec son titre Place Vendôme. S'il n'y a qu'un Paris, dans Paris ne fleurit qu'un royaume, Place Vendôme. Le soleil du matin, les beaux yeux des trottins, l'air embaume. Hispanos et Chrysler à la file ont tout l'air d'un monôme. Et dans l'une un beau jour, on s'en va faire un tour jusqu'au dôme. Il a bien 25 ans, mais on veut crâner quand on est môme. Place Vendôme, profitons-en toujours, ça compense les jours où l'on chôme. Place Vendôme. L'atelier pour un soir n'est plus rien dans le noir qu'un fantôme. Place Vendôme. Du champagne et des fleurs, ça vous met dans le cœur comme un baume. Ça n'a pas l'air sérieux, mais on voit dans ses yeux des symptômes. Et c'est ainsi qu'un jour, on rencontre l'amour, Place Vendôme. Ce roman de Paris, chaque jour est écrit par douzaines sur la scène. Scénario de tout temps, à eux de 40 ans, mise en scène, le printemps. Quand on tient au bonheur, pas besoin pour un cœur de diplôme, Place Vendôme. Quand il parle d'aller voir le jour s'envoler sur les chaumes, on lui dit si bien non qu'il vous offre son nom et son home. Et c'est ainsi qu'un jour on rencontre l'amour, Place Vendôme. S'il n'y a qu'un Paris, pour l'amour ne fleurit qu'un royaume, Place Vendôme. Ça vaut bien le détour, allez donc faire un tour, Place Vendôme. Patachou à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, printemps, sur les toits les girouettes tournées font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en passant si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Des taxis au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café,

que je vous emmène dans un autre pont avec Serge Reggiani, le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards. L'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. L'amour s'en va comme c'est au courant de l'amour s'en va. Comme la vie est lente et comme l'espérance. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Il s'appelle Neil Cara et son titre Place Pigalle. De nationalité brunes espagnoles, jolies yankees, belles créoles, blondeurs venant de la Tamise, Place Pigalle, Place Pigalle. C'est l'amour, la fantaisie, un coin de paradis, oui c'est Paris la nuit. À la Place Pigalle, on voit sans trêve la vie s'exciter. On vend de la drogue, des rêves, des pleurs, des baisers. C'est comme un marché où s'entrecroisent le mal et le bien. La pucelle et puis la bourgeoise côtoient la catin. Place Pigalle, Place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour batifoler. Place Pigalle, Place Pigalle. Et mélanger les importants banquiers, les prospères arrivés, les hommes d'État, les petits coquins, les grands rajas, les mendiants et les cabotins. Place Pigalle, Place Pigalle. C'est l'amour, la fantaisie, un coin de paradis. Oui, c'est Paris la nuit.

lèvres, il lui lance des sourires. Elle l'aimait sans lui dire, mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. À Paris, dans chaque faubourg, quand la nuit rêveuse est venue, à toute heure une âme émue évoque un rêve d'amour. Des jours heureux, il ne reste trace des couleurs de la nuit. À 20 ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir lui à Paris dès la nuit venue. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure une âme. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici, elle s'appelle Régine avec son titre quelque part à Paris. Quelque part à Paris, au métro de minuit, deux amants s'embrassent. Quelque part à Paris, devant un bruit, deux amants s'enlacent. Mais les gens de Paris, leur geste contrit, des regards fugaces. Sans voir ce samedi d'été à Paris, à l'amour terrasse. Quelque part à Paris, dessus les Tuileries, la grande ours danse. Dans le ciel de Paris, comme des bougies, les étoiles tremblent. Mais les gens de Paris marchent rabougris sous les lampadaires, sans voir ce samedi sur leur front pâli ce bal de lumière. Quelque part à Paris, derrière un taudis pleure un limonaire. Quelque part à Paris, un pauvre génie joue en solitaire. Mais les gens de Paris préfèrent la musique avec partenaire, sans ouïr ce samedi cette symphonie à travers les pierres. Quelque part à Paris, quand les chats sont gris, les fantômes sortent. Quelque part à Paris, ils restent contrits sur le pas des portes, car les gens de Paris, au fond de leur lit, comme nature morte, rêvent petit à petit en ce samedi d'été à Paris. Mais donc, on va pas dans les cabarets, mais tout simplement écouter Michou avec son titre « Je suis Paris ». Avec mes cheveux blonds et mon nez en trompette, pour vous dis gros garçon, je ne suis qu'une midinette. Mais quand j'ai un micro dans mes jolies menottes, je deviens soprano, le diamant sous la glotte. Mais oui mon petit, et moi je suis Paris, je suis une Régine, une Dalida et une Zizi, Lynn Renaud, Brigitte Bardot, Annie Cordy. Oui, je suis Paris, je suis Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et les Tuileries, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel et le Saint-Louis. Je suis Paris, Mireille Mathieu, Nicoletta et Mouskouri. Je suis Paris, je suis l'Élysée, le Moulin Rouge et les Folies. Je suis tout ce qu'on aime, je suis tout ce que j'aime, et pourtant je ne suis qu'un titi. Mais je ne suis pas bête, vous m'avez compris, tout comme Miss Tinguette, moi je suis Paris. Hippie à Saint-Germain, belle de nuit à Pigalle, femme du monde à Pantin ou débarque de Roal, je peux être tout ça, piquant la cible ou suave, je suis la veuve du soldat et je suis la sœur du zouave. Mais oui mon petit, et moi je suis Paris, je suis une Régine, une Dalida et une Zizi, Lynn Renaud, Brigitte Bardot, Annie Cordy. Oui je suis Paris, je suis Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et les Tuileries, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel et l'île Saint-Louis. Je suis Paris, Mireille Mathieu, Nicoletta et Mouskouri. Je suis Paris, je suis l'Élysée, le Moulin Rouge et les Folies. Je suis tout ce qu'on aime, je suis tout ce que j'aime, et pourtant je ne suis qu'un titi. Mais je ne suis pas bête, vous m'avez compris, tout comme Miss Tinguette, moi je suis Paris. Mais je ne suis pas bête, vous m'avez compris, Miss Tinguette, moi je suis Paris. Avec Robert Picquet et son titre Auteuil. C'est à deux pas du bois, pas très loin du grand fleuve. Au milieu d'un coteau, une église est perchée. Quelques vieux pavillons, quelques bâtisses nerfs abritent des jardins soigneusement cachés. Auteuil, c'est mon village en haut de la colline, avec la Seine au loin déroulant son ruban, et ma jeune maison jalouse en ses voisines, riches de souvenirs sous leur toit blanchissant. Bien sûr pour vous, gens de Paname, Auteuil, c'est le jour du grand stiple. Voici le favori qui gagne dans un fauteuil. Auteuil, on suit le cœur ému, la côte du PMU, mille balles en un clin d'œil. Auteuil, pour moi c'est autre chose. C'est un petit train qui rôde autour de la muette, le parfum du jasmin, un petit caboulot, où résonnent encore les sons d'une ariette que Lully fredonnait à Molière et Boileau. Le petit vin qu'on y boit fait voir de Michel-Ange l'Assomption y bénit de nouvelles amours. Et je sais pour rêver des ruelles étranges où l'on s'embrasse encore à la pointe du jour. Bien sûr pour vous, camp de Paname. Hôtel, c'est le stade bruyant, c'est le ballon volant et la coupe d'orgueil. Hôtel, 4-0, le retour des héros, l'adversaire est en deuil. Hôtel, pour moi c'est autre chose, le calme et le repos plane sur ses demeures. Un enfant qui pianote en songeant à Mozart, maman qui prend le frais toujours à la même heure, et papa qui ronchonne, on va se coucher trop tard. Un village où les rues ont des noms de poètes, les remous de Paris qui meurent à Passy n'ont plus dans le passé achever la conquête de mon petit coin d'Auteuil. La province est ici. Et voici Yves Montand avec Rue Lépic. Rue Lépic, dans le maraîché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Lépic, voiture de quatre saisons offre tout à foison, tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts au public. Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Lépic, et ça grouille et ça vit dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Rue Lépic, rue Lépic, y a du bon populo qui se vagonaude au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Lépic, et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, deux amants sans façon se promènent tout contents. Aux marchands de quatre saisons, ils achètent du printemps. Rue Lépic, sous les yeux amusés des badauds qui se trouvent là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Rue Lépic, rue Lépic, il y a des cabots et des gosses à poule beau aux frimousses vermeilles qui se prélassent au soleil. Mais surtout, il y a une belle fille aussi belle que l'été, elle marchande en espadrille et rit en liberté. Rue Lépic, et la rue est toute fière de son beau regard clair et de sa belle santé, elle qui l'a enfantée. Et toujours, la fille avec amour à sa rue dit bonjour, et la rue extasiée la regarde passer. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, vers ses moulins si beaux, ses moulins tout là-haut. Rue Lépic. Voici donc Juliette Gréco avec son titre Paris Canaille. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si beau, t'es gigolo, te déshabille sous le métro de la Bastille pour se saouler

pour très longtemps, longtemps. Paris, Palace, Hôtel, adieu Pantin, adieu Ficelle, Chasseur, je veux mon cœur. Adieu Pantin, adieu Ficelle, je veux un vrai ciel bleu. Donc, eh bien, 16h53, eh bien, voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà, donc, bien sûr que vous avez passé bon après-midi avec les chansons du côté de Paris et puis aux alentours aussi de Paris. Et puis aux alentours de 19h jusqu'à 22h, vous allez retrouver Albino, tout simplement, ce soir. Donc on se retrouve bien tout simplement la semaine prochaine, vendredi, et puis ainsi on se retrouve dimanche pour l'émission de l'accordéon. Et en parlant de l'accordéon, eh bien on va quitter l'émission avec un morceau d'accordéon. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.